Comment ils se recrutent? D'une seule manière et dans une seule classe. C'est là quand on compare ce Newport d'été à notre Deauville ou au Brighton de nos voisins d'outre-Manche. Un point de différence à ne jamais oublier. Il n'y a pas ici, comme en Angleterre, une caste d'en haut, un Olympe d'aristocratie, et qui impose sa mode à tous les tough hunters. Ce mot si pittoresque avec lequel les jeunes gens d'Oxford raillent déjà leurs jeunes camarades en chasse de hautes relations, et hypnotisés par le petit gland d'or qui tremble sur le bonnet carré des étudiants nobles. Il n'y a pas, comme en France, cette irrationnelle et puissante survie de l'ancien régime, en pleine poussée démocratique, dont le signe le plus expressif est notre conception du club. Le cercle, chez nous, a cessé d'être le milieu naturel, presque nécessaire, des personnes de même fortune, qui vivent d'une même façon. Il est devenu comme un brevet, presque un grade dans un vague régiment social, dont l'état-major résiderait à l'Union ou au Jockey. Ici, tous les hommes du monde ont été, sont encore des hommes d'affaires. Ils ne sont point nés dans la vie sociale, et ils y sont arrivés. Ils ne l'ont point reçue toute faite et toute transmise. Ils la font eux-mêmes, parce qu'il leur convient d'ajouter cette élégance à leur fortune, comme le couronnement de l'édifice. Il résulte de là qu'il y a une profonde égalité entre eux, une unité singulière d'habitude, d'idées, de goûts, qui traduit l'absolue unité, sinon de date, au moins d'origine. On a bien essayé, durant ces dernières années, de la briser, cette unité, et d'établir un Olympe factice, celui des quatre cents, lequel aurait été recruté parmi les familles les plus anciennes de tradition et de richesse. Cette fantaisie ne pouvait pas réussir. Ce n'est pas qu'il y ait aux États-Unis des familles très anciennes, en effet, mais elles n'ont pu se maintenir qu'en continuant à travailler, à faire des affaires. Elles n'ont pas pu se donner des mœurs à part ni s'isoler. Vieux et nouveaux riches se coudoient de trop près sur le terrain du travail pour être séparés sur celui du plaisir. C'est la différence d'occupation qui fait seule la différence des castes, et ici, elle n'existe pas. Une mine d'or découverte voici 25 ans a enrichi celui-ci. Mais cet autre, riche depuis deux générations, a saisi l'occasion de cette découverte pour doubler son capital. Un chemin de fer construit en 1868 a rendu celui-là millionnaire, mais il a empêché cet autre de cesser de l'être. Derrière chacun des noms qui défilent dans les comptes rendus des fêtes, publiés par les journaux, tout Américain peut évoquer ainsi telle ou telle usine, telle maison de commerce, telle banque, telle spéculation de terrain. Et l'usine est en pleine activité. Les guichets de la maison de commerce et de la banque sont toujours ouverts. La spéculation continue. Les démocrates ont-ils tort de dire que de tels titres à la vie mondaine valent bien des blasons faussés par la bâtardise ou par des mariages véreux et des notoriétés historiques sans réalité contemporaine? À coup sûr, ces dessous de la mondanité américaine sont francs et nets. Leurs conséquences immédiates ne le sont pas moins. La première est l'absence presque totale, dans une ville d'eau comme Newport, d'aventuriers et d'aventurières. Une société composite est facile à tromper. Une société de gens d'affaires l'est beaucoup moins. Un ménage dont les revenus sont douteux peut faire figure dans un monde où des nobles authentiques se soutiennent eux-mêmes par des expédients et où règne cet esprit d'à peu près en matière d'argent habituel à ceux qui n'en gagnent point. En Amérique, chacun sait ce que vaut son voisin. Et d'ailleurs, comme la vie sociale y représente un luxe, les menues dépenses quotidiennes y sont si fortes qu'un budget mal équilibré n'y suffirait pas. Les romanciers français ont souvent peint depuis Balzac le type du jeune homme ambitieux et pauvre qui se maintient en plein courant de haute vie par un maniement supérieur de ses très médiocres revenus. Ici, un costume de soirée présentable coûte 120 dollars. Une course en fiacre pour aller dîner en ville en coûte 3, et 5 s'il s'agit d'aller et de revenir. La toilette de soirée que porte une jeune femme a dû payer, quand elle vient de Paris, 50% de droit d'entrée. Les prix des modistes et des couturières de New York montent presque au même niveau. La copie des modèles des grands faiseurs, par une ouvrière prise à la maison, cette ressource de la Parisienne avisée, serait à peine une économie dans un endroit où une femme de chambre à droite gagne 40 dollars par mois et une couturière habile 3 dollars par jour. Cette espèce d'abus de la richesse, propre non seulement à Newport, mais à toute l'Amérique, est à la fois une folie et une purification. On peut railler la frivolité de cette existence, en condamner la somptuosité. Elle mérite bien des satires, elle est du moins assez droite et assez saine. Elle l'est aussi dans ce séjour d'été par la suppression non moins totale de l'élément qui corrompt en Europe tant de villes de bains de mer ou d'eau, je veux dire le demi-monde. Comme cette société est avant tout recrutée parmi les gens d'affaires, les hommes n'y ont que peu de loisirs. Tous sont absents plusieurs jours de la semaine, occupés à gagner cet argent que les femmes ont pour fonction de montrer. Il suit de là que s'ils ont des liaisons en dehors de leur ménage, ils ne les ont pas ici. Ceux qui restent à Newport sont en très petit nombre, âgés déjà pour la plupart puisqu'ils sont « out of business », retirés des affaires, ou très jeunes puisqu'ils n'y sont pas entrés encore. Quelques diplomates en villégiature, quelques visiteurs de passage et quelques malades complètent ce personnel masculin, à qui la tenue serait imposée par son petit nombre, quand bien même le vieux fond de moralité puritaine, toujours présent dans les pays de tradition anglo-saxonne, au moins sous la forme d'hypocrisie, ne rendrait pas tout scandale impossible. Comment d'ailleurs la demi-mondaine la plus habile arriverait-elle à frôler le vrai monde, à en donner la peu près facile? Comme chez nous, dans une société où tout plaisir s'organise en club, où il faut une admission, une présentation, un patronage pour prendre une tasse de thé ici, pour assister ailleurs à une partie de tennis. Et puis la race n'est pas assez vieille pour que la fille y soit déjà la créature dépravée, mais affinée, blagueuse et spirituelle, qui amuse l'homme et peu à peu s'impose à son intimité quotidienne. Rien qu'à constater comme elle est absente d'une ville qui serait ailleurs son champ favori d'opération, vous la devinez réduite à l'état de machine à plaisir. TH, qui habite les États-Unis depuis 10 ans, me disait « L'Américain n'a pas besoin de la femme comme nous. S'il va chez les filles, c'est toujours qu'il en est un peu ivre. Et pour boire encore. Il est possible que le sentimentalisme, dont on relève en France la galanterie, soit par certains côtés plus humain. Socialement, l'Amérique est dans le vrai. Je veux dire que cette ligne si définitive de démarcation entre la femme du monde et les autres lui fait regarder la première avec de tout autres yeux. Il la respecte davantage dans son imagination et dans ses manières. Il peut être un débauché. Il est rarement un libertin. La distance est grande entre ces deux mots. On en a la preuve en prêtant l'oreille aux conversations de cercle entre jeunes gens. Ils parlent de sport, de jeux, d'affaires. Jamais un nom de femme n'y est prononcé. Cette unité de recrutement, si l'on peut dire, produit encore ce résultat, que cette vie sociale a son but et sa fin en elle-même. Toutes les familles qui l'amènent étant riches et ne pouvant aspirer par elles à rien d'autre, cela crée une sorte d'atmosphère plus sereine, plus heureuse et plus innocente. Il y a moins de dessous dans les relations parce qu'elles ne sont pas, qu'elles ne peuvent pas être, des moyens à se pousser bien loin. Les classes riches n'ayant en Amérique aucune espèce d'influence sur les élections, un politicien ambitieux n'a que faire dans la société. Il n'y a pas ici d'académie à laquelle la faveur d'une coterie mondaine puisse conduire un écrivain ou un artiste. Il n'y a pas non plus de centre d'où la réputation littéraire irradie et qui se ramasse lui-même dans quelques salons. Les filles ne reçoivent de dot que par exception, en sorte que les coureurs de grands mariages sont réduits à des étrangers titrés et ruinés, qui le plus souvent disparaissent après une saison. Ils sentent trop vite que la vieille Europe est encore le terrain le plus sûr pour cette sorte de spéculation. Comme d'autre part les mœurs semblent plutôt bonnes, et qu'une liaison avouée est ici un phénomène, la vie du monde ne saurait non plus servir de paravent aux complications de la vie passionnelle. Réduite de la sorte à son fond propre, elle s'exaspère dans le sens de la fête fastueuse et publique, puisque comme il faut partout un aliment réel, une occupation positive à des activités, si vigoureuse cette vie du monde finit, à Newport du moins, par se porter presque tout entière du côté du sport. De nouveau, ce qui devrait logiquement être un défaut devient un principe de santé, tant il est vrai que dans les races fortes, tout se tourne en force, même la frivolité et la vanité, tandis que chez les peuples qui vieillissent, même la culture et la délicatesse n'aboutissent qu'à la maladie et à la corruption. Comment ils s'amusent? Je me suis amusé moi-même pour répondre à cette question avec un peu d'exactitude, à suivre heure par heure et pendant plusieurs jours l'emploi du temps de quelques-unes des femmes qui sont ici ce que l'on appelle des « leaders of society ». Je transcris une des esquisses tracées de la sorte, en la prenant au hasard, parmi 20 autres. Elles sont toutes à peu près pareilles, par la puissance de physiologie qu'elles supposent, le goût de la vie en plein air et de l'exercice, quoique les Américaines, sous ce rapport, soient loin d'égaler les Anglaises. Cette façon de se divertir explique pourquoi ces mondaines, au lieu d'avoir l'estomac perdu, le teint fané, l'air vieux gant, comme disait un cruel humoriste, ainsi que tant de leurs sœurs dans les grandes villes d'Europe, gardent au contraire cet éclat de leur peau, cette souplesse de leurs mouvements, cette force de leur vitalité. Elles le savent, et elles en sont orgueilleuses. Ce qui me fait plaisir, me disait l'une d'elles, en pensant que je suis américaine, c'est de savoir que j'appartiens à une belle race, bien portante. Je me rappelle aussi avec quel mépris une autre, parlant d'une actrice de l'Odéon, qui avait passé un mois à New York, me la dépeignit « That little woman with a wishy-washy complexion ». Elle ne tarisse pas sur cette critique à l'égard des Parisiennes. J'entends encore une troisième déplorer le changement d'une de ses compatriotes récemment mariée à un Français. Elle était si robuste avec un si beau teint, « with a very good complexion », et maintenant qu'elle est devenue mince et blême, « thin and quite sallow ». Et elle rit en disant des phrases pareilles, de leur rire heureux, où il y a ce que nous pouvons si difficilement comprendre, de l'animalisme d'honnête, avec leurs dents nettoyées comme des objets. Et quand le dentiste a dû passer par là, il y a mis de l'or qui reluit d'un éclat si neuf qu'il n'a plus l'air d'une infirmité. Donc, avant 9 heures, la jeune femme dont j'évoque en ce moment la hardie silhouette était à cheval, ayant déjeuné d'un de ces forts déjeuners du matin qui sont le repas essentiel des anglo-saxons, celui où ils prennent des forces pour la dépense de la journée. Elle a trotté et galopé 2 heures dans l'air salé pour revenir à 11, le temps de changer de toilette et d'aller au casino, où il se tient un concours de tennis. Deux de ses amis, une jeune fille et une jeune femme mariée, depuis 2 ans, doivent y prendre part. C'est le rendez-vous du Newport Fashionable, que cette pelouse encadrée de bâtiments d'une jolie architecture auquel la vigne du Japon donne ce même revêtement vivant de lierre temporaire. Autour des joueurs se presse un public de femmes vêtues, surtout de couleurs claires, avec cette surcharge de luxe léger qui fait d'une toilette une chose visiblement fragile autant que coûteuse. Tout cela semble porter pour 1 heure, sans rien qui individualise la beauté de ces personnes ainsi parées. Un mot me revient devant cette espèce d'impersonnalité, de suprême élégance, mot délicat et romanesque. Il explique toute la différence qu'il y a entre cette élégance-là et une autre. C'était dans un de ses portraits comme on s'amuse à en tracer, par jeu de salon. Une Française avait écrit, voulant dépeindre son caractère, « Je ne me suis jamais habillée pour le bal, sans savoir pour qui j'y allais. » Les Américaines s'habillent pour être belles, parce qu'elles sont des belles femmes bien portantes, comme leur race, et, pour le moment, aucune d'elles ne pense à coqueter, absorbées qu'elles sont par le spectacle du jeu, auquel la nouvelle venue se laisse prendre aussitôt comme les autres. Rompues elles-mêmes aux leçons de la physical culture, elles comprennent l'athlétisme, partout où elles le rencontrent, avec cette intelligence quasi-professionnelle qui fait que devant un assaut d'armes, un escrimeur mesure d'un coup d'œil la vitesse des champions et leur détente. À un moment, un des jeunes gens, qui vient de lancer la balle, fait nettoyer par un assistant sa semelle de caoutchouc engluée de boue. Il trouve moyen, durant cette action vulgaire, d'avoir une telle grâce d'attitude que j'entends une jeune fille s'écrier « Ah, comme je voudrais qu'il gagnât ! He is so nice looking !» Cri naïf où éclate la profonde admiration de l'américaine pour les looks, pour cette beauté physique considérée à la manière païenne. Elle va si loin, cette admiration, qu'un des gymnastes célèbres des États-Unis réunit dans sa loge, après le spectacle, des femmes de la meilleure société. Et là, le torse nu, il leur donne « a lecture about his body », une conférence de musculature. La photographie de ce torse, musclé, comme celui du Vatican, sur lequel Michel-Ange vieillit, promenait ses mains, se vend dans toutes les boutiques, et plus d'une parmi ses spectatrices du tennis le possède dans son petit salon. « Il y a des gens qui trouvent cela terriblement indécent », me disait une d'elles en me montrant ce singulier document de son indépendance d'idées. « Moi pas, c'est une chose grecque, voilà tout. » Midi et demi. La partie de tennis est finie pour aujourd'hui. La belle cavalière du matin, qui vient de se reposer, en regardant ce jeu d'agilité vigoureuse et de respirer à l'air comme une belle plante, quitte le casino pour gagner un yacht, où elle doit prendre son lunch. Je la vois qui monte sur sa voiture, un duc très élevé, dont elle saisit elle-même les rênes. Elle part au grand trot de son cheval qu'elle conduit de ses petites mains souples et fermes, hardiment, lestement, dans cette toilette déjà si parée et avec ses bijoux. C'est un whip, un fouet, comme on dit ici, un des 5 ou 6 femmes qui mènent le mieux un coach et à qui 4 chevaux à manœuvrer ne font pas plus peur que ses tuniques alezans. Une demi-heure plus tard, je la retrouve dans la chaloupe électrique qui fait le service des invités entre le yacht et le quai d'embarcadère. La machine de ce mince bateau a été modifiée après l'invention d'un autre yachtsman, propriétaire lui-même d'un des bateaux de plaisance amarrés dans le port. TH me parlait de l'ignorance où grandissent certains enfants riches. Ils y gagnent, lorsqu'ils sont intelligents, de garder ce pouvoir si américain de la vision directe. Ils perçoivent les choses et non les idées des choses. D'ailleurs, une existence continuellement active développe encore chez eux cette vertu d'un rapport immédiat avec la réalité. Le nombre des yodres rangés dans cette rade démontre assez combien ce goût d'une vie toute d'action et de mouvement est national. Ils constituent une petite flotte, les uns presque aussi grands que les paquebots d'une compagnie transatlantique, et capables de croiser autour du monde, dussent-ils subir l'énorme houle de fond du Pacifique et les paquets de mer du Cap Horn. D'autres petits, des bijoux de navire, de quoi gagner Bar Harbour ou New York, en longeant la côte, doublant les caps, entrant dans les criques, il y a des yoles à voile, des cutters pontés qui me rappellent le bel ami, le cabinet de travail flottant de Maupassant. Celui où nous montons est de dimension moyenne, installé avec une magnificence qui de nouveau me donne l'impression de ce qu'il y a d'effréné dans cet étrange pays. La chambre à coucher avec le damas vieux rose de sa tenture et ses meubles laqués de blanc, le salon clair aussi garni de plantes et de fleurs, avec sa bibliothèque, son piano, ses fauteuils profonds, ses tapis anciens, ses aquarelles de maître, la salle à manger d'acajou sombre avec la table dressée, où le doux éclat des orchidées se mélange à l'éclat plus dur des cristaux et de l'argenterie. Le salon vitré d'en haut, où des musiciens noirs se tiennent le banjo à la main et ses coussins brodés sur ses larges canapés. Le pont, enfin, avec ses rockings parmi des palmiers et une volière d'oiseaux exotiques aux ailes étincelantes. Tout atteste un extrême atteint dans le raffinement qui touche à la féerie. L'imagination recule de 25, de 50 ans en arrière. Elle voit quelques pionniers cheminant dans les plaines de l'Ouest, quelques pauvres Irlandais abordant à New York sur un bateau d'émigrants, quelques Allemands, assis comme secrétaires dans un bureau d'hôtel. C'étaient des métiers pareils qu'exerçaient les pères ou les grands-pères, ou tout au plus les arrière-grands-pères des convives qui sont là, si accoutumés déjà à ces splendeurs fines qu'ils y sont à leur aise comme des princes du sang. Il faut des générations pour faire un vrai noble, et chez qui l'aristocratie réside dans les façons de penser et de sentir. Mais pour faire un homme de haute vie, et qui ait autant d'aplomb, facile dans l'élégance, qu'un des innombrables grands seigneurs oisifs dont foisonnent les clubs de Londres et de Paris, deux générations suffisent. Une seule même est le plus souvent assez. 4h30. Le lunch, où l'inévitable champagne sec a de nouveau coulé par flot, a cédé la place à la conversation sur le pont. D'autres femmes sont venues. Deux jeunes filles seules, deux autres escortées par deux étudiants de Yale qui ne leur sont même pas apparentés. Quatre ou cinq célibataires, véritables citoyens de Cosmopolis, qui dépensent leurs revenus entre Paris, Londres, Cannes et ce coin-ci, lorsque la gestion de leur fortune les ramène aux États-Unis. Mais déjà la chaloupe électrique commence à se charger de passagers qui regagnent le débarcataire. Toute la partie réunie sur le bateau va se disperser. La plupart, et la jeune femme dont je raconte la journée est du nombre, vont assister au match de polo. Je l'accompagne. Un quart d'heure sur l'eau, toujours remuée du port, 20 minutes de voiture, et nous voici à la porte de l'enclos fermé de planches où se joue cet admirable et redoutable jeu. Un talus domine, où se masse la foule des gens du peuple qui viennent regarder le match du dehors. Ce divertissement est si national, son énergie et son danger conviennent si bien à la race que d'humbles ouvrières, des blanchisseuses par exemple, commencent leur journée vers 4h du matin, pour expédier plus tôt leur ouvrage et finir ici leur après-midi. « Elles ont raison, me dit l'Américaine qui me raconte ce trait. C'est un jeu magnifique. Il y a 20 ans, les jeunes gens ne pensaient qu'à boire. À présent qu'ils ont pris le goût des sports, de celui-là surtout, il faut qu'ils soient sobres, n'est-ce pas, pour ne pas devenir lourds. Ils mangent peu, ils ne boivent plus, ils se couchent tôt. Sans ce régime, ils ne tiendraient pas 8 jours de suite. » Le fait est qu'une fois entrés sur la pelouse et avoir les joueurs des deux bandes courir, sur leurs chevaux, le torse penché, le long maillet de bois balancé dans leurs mains libres, il est difficile d'associer l'entraînement qu'un si mal exercice suppose à de l'ivrognerie et à de la débauche. Ils sont là 8, en train de galoper de petits poneys, roblés et agiles, la jambe prise dans la botte jaune, la culotte bouffante avec une chemise et une casquette aux couleurs de leur clan, ils se pressent en peloton autour de la balle blanche, qui court sur l'herbe verte. Les chevaux, moirés de sueur, la suivent d'eux-mêmes. Cette balle avec la jolie intelligence de la bête montée par un cavalier si adroit qu'il ne fait plus qu'un avec elle. La balle a sauté sous un coup de maillet plus précis que les autres. Et voilà les deux bandes parties au galop. Elles défilent tout près des voitures alignées en galerie. On entend le sabot des chevaux battre le gazon foulé. C'est un bruit sourd et leste à la fois qu'accompagne le bruit plus rude de leur souffle. Il passe sur l'assistance ce petit frémissement ému devant les gladiateurs qui secouent les nerfs des sévillanes en train de suivre le duel de la quadrilla et du taureau. Peut-être le danger est-il plus réel ici, quoique l'appareil soit moins féroce. Je ne suis resté qu'une heure, et déjà, l'un des cavaliers a roulé sous les pieds des chevaux. Un autre l'a remplacé, qui après 10 minutes reçoit un coup de maillet en plein visage. Je le vois qui descend de cheval, aveuglé de sang. Il s'évanouit, puis se relève et se retire, porté par 2 de ses amis, sans que personne n'y prenne trop garde. Le grand regret est que voilà une partie interrompue. On s'en console par la nécessité de la toilette du soir, car cette longue journée d'allées et venues va se clore, comme toutes les autres, par un dîner en ville, suivi d'un bal au casino ou ailleurs, à moins que le grand air et tant de mouvements n'aient eu raison de la femme à la mode. Cette lassitude des journées explique pourquoi les réceptions nocturnes sont rares à Newport, en dehors de ces bals. On se retire de la maison où l'on dîne, vers les 10h30, ou même plus tôt, laissant les maîtres de cette maison si fatigués quelquefois que l'on se ferait scrupule de rester un quart d'heure de plus. Bien souvent, me disait Miss L, la plus belle des lionnes de cette saison, il m'est arrivé, ayant commandé ma voiture trop tard, de rester à l'attendre dans l'antichambre, et je m'endormais sur une banquette, tant je me sentais épuisé, et sans vouloir rentrer dans le salon, tant je savais que mes pauvres hôtes étaient épuisés aussi.